tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. En 1967, on ne parle pas de région. Non, on ne vit pas ou on ne part pas vivre en région. On vit ou on part s'installer en province, tout simplement. La radio, nationale, parisienne, s'interroge au cours d'une série dans l'émission « Recherche de notre temps ». Comment vit la province aujourd'hui ? L'épisode que l'on écoutera tout à l'heure est sous-titré « Ah, si Paris était à la campagne ». Tout un programme. Mais avant d'aller respirer l'air de la province, on tend le micro aux touristes et aux Parisiens qui ne partent pas, qui se baladent le long de la Seine près de Notre-Dame. Que se passe-t-il l'été 1967 à Paris ? Les marchands de journaux vendent à la criée, les étudiants badigeonnent certains murs avec de la politique. Tiens, tiens, déjà. Ah, les étudiants, ils se croient tous sortis de la cuisse de Jupiter. Recherche de notre temps. Recherche de notre temps, une suite d'émissions composées par Colette Garrigue, Harold Portnoy et Robert Vallet. Un été à Paris, par Harold Portnoy. Aujourd'hui, deuxième émission, Notre-Dame du bavardage. Notre-Dame, ça me plaît parce que c'est un monument historique, quoi. Ça rappelle toujours le passé, quoi, nos ancêtres. Je trouve que c'est très bien, quoi. Surtout au point de vue sculpture, quoi, chef-d'œuvre, c'est formidable. Ce que je trouve de très joli, c'est déjà la statue. Qui a une pose qui n'est pas courante. Vous parlez de laquelle ? De la statue de Notre-Dame de Paris à l'intérieur de l'église. Elle a une pose qui n'est pas courante parce qu'elle est légèrement penchée et elle a son enfant, l'enfant Jésus, qu'elle tient sur le bras et qui est cette pose et lui donne un air de majesté et de douceur en même temps. Et qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas courant comme pose ? Parce que généralement, on présente la Sainte Vierge droite. On ne la représente pas légèrement penchée. Vous l'avez visitée ? Oui, mais enfin, vous savez, je ne suis pas particulièrement croyant, quoi. Enfin, non, je suis même athée, disons, franchement, je suis même athée. Mais enfin, le travail qui a été fourni par les bâtisseurs. M'amène à me poser des questions, en somme, c'est ça. Quelles questions ? Les questions, point de vue de l'existence de Dieu, l'existence ou l'inexistence de Dieu, enfin. Et pourquoi ce sont les bâtisseurs qui vous amènent à ces questions ? Ah, comme ça, enfin, je pense que le travail est une des formes d'expression humaine la plus parfaite. La plus parfaite, ça suppose une certaine compréhension des problèmes humains, instinctive. Et tout homme qui travaille de ses mains ou de sa tête, enfin, totalement, a compris instinctivement que le travail était une chose nécessaire, en somme. Il appliquerait presque instinctivement, qu'il soit athée ou non, le principe biblique, tu gagneras ton pain, la sueur de ton front. Monsieur, vous êtes en train de vendre le monde. Oui. Je suis obligé pour des questions budgétaires, vous comprenez? Je comprends très bien. Quel âge avez-vous? 18 ans. Et comment vous avez été amené à vendre le monde? C'est la première fois que je vends aujourd'hui. Le monde, et c'est une idée qui m'est venue il y a environ 15 jours. On m'a conseillé de vendre le monde si j'avais des difficultés. Dites, vous êtes parisien? Non, bordelais. Et vous êtes monté à Paris depuis longtemps? Depuis le mois d'octobre. Et vous êtes seul ou vous êtes en famille? Non, je suis seul. Et qu'est-ce qui vous a poussé à monter à Paris? Pour l'argent, évidemment. Comme tout le monde, d'ailleurs. Le niveau est nettement plus élevé pour gagner sa vie à Paris qu'en province. Vous n'avez pas fait d'études? Non, jusqu'à 5e seulement. Et qu'est-ce que vous faisiez à Bordeaux? À Bordeaux, j'ai mon apprentissage, je cuisinais. Et vous n'avez pas réussi à entrer dans un restaurant? Si, je travaille dans un restaurant à Paris. Et en plus, vous vendez le monde? Oui. Alors vous gagnez pas assez votre vie? Si, mais c'est pour m'avantager encore. Ça aide toujours. Vous avez vu Notre-Dame? Oui, madame. Nous avons vu Notre-Dame. Quelle impression? Ça nous a étonnés parce que nous venons de visiter justement la cathédrale de Reims. Alors nous sommes frappés justement par peut-être sa grandeur, sa beauté, sa magnificence si l'on veut, mais surtout elle est beaucoup plus sombre que intérieurement. Elle nous a surpris justement parce qu'elle est plus sombre que celle de Reims. Elle est aussi belle. Beaucoup plus riche au point de vue sculpture. Ok, il y a la trace de Viollet-le-Duc là-dedans, on voit très bien quoi, que c'est restauré. Enfin, c'est quand même une unité artistique qu'il faut remarquer. C'est une des plus belles cathédrales gothiques, je crois. C'est la plus belle, quoi. C'est le joyau. Puis-je vous demander quelle ville vous habitez, de quelle vous avez, à votre accent? Nous n'habitons pas de ville, nous sommes du Midi, nous habitons le Var, près de Draguignan. Le Var, à côté de Draguignan, dans la préfecture. Et quelle est votre profession? Instituteur. Et institutrice. Vous êtes dans un poste double? Oui. Tous les deux? Nous étions, cette année nous n'y sommes plus. Pourquoi? Parce que j'ai été déplacé par une suppression de poste, oui. Ah, il y a une suppression de poste au village où vous étiez? Oui. On dit que c'est ingrat comme métier. Oui. Que de l'extérieur, on ne le voit pas bien. C'est-à-dire, c'est ingrat, je crois, surtout pour ceux qui sont instituteurs ou institutrices dans les grandes villes. Mais pour nous, par exemple, dans un village, non, je ne crois pas que ce soit un métier trop ingrat encore. Maintenant, au point de vue homme, c'est pas bien pareil. Non. Surtout depuis qu'il y a la fameuse réforme Fouché qui est mise en application, nous ne savons plus très bien où nous allons. J'ai une classe qui s'appelle classe 3e pratique depuis l'année dernière et vraiment, on ne sait pas quoi y faire. Et les gosses qui sont là-dedans aussi ne savent pas vraiment ce qu'ils sont venus faire. Alors, on tâtonne, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose peut-être qui est bien dans cette réforme, mais il faudrait avoir les moyens de l'appliquer. On a voulu faire une réforme de structure, mais pas une réforme de pédagogie. Alors il faudrait quand même avoir les moyens d'appliquer une pédagogie nouvelle. Qu'est-ce que ça serait pour vous une pédagogie nouvelle? Eh bien, les méthodes freinées, vous voyez, les méthodes actives. Plus de blablabla, mais donner quelque chose à construire à un gosse de 15 ans, par exemple. Et qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Eh bien, nous n'avons aucun crédit, nous n'avons absolument rien. Absolument rien. Alors, ça, c'est un problème qu'il faudrait résoudre, je pense. Et les programmes, ils vous gênent ou pas? Mais des programmes, il n'y en a pas, quoi. C'est les classes de fin d'études. Pratiquement, ce sont les programmes de classes de fin d'études. Mais est-ce que vous essayez quelque chose? Avant, on préparait les gosses au certificat d'études. Des gosses qui n'arrivaient pas à aller en 6e. En 2 ou 3 ans, on arrivait à les rattraper, à les hisser au niveau du certificat d'études. C'était quand même pas mal. On disait que c'était du bachotage. Est-ce qu'on ne fait pas du bachotage en classe de première et en classe terminale? C'est exactement la même chose. Et ces gosses-là, après, on arrivait à les faire rentrer dans un centre d'apprentissage où en 2 ou 3 ans, ils apprenaient un métier. De leurs mains, ils apprenaient à faire quelque chose. Tandis que maintenant, ces gosses-là, qui ne peuvent plus aller en sixième, ils sortiront de l'école à 16 ans et ils n'auront absolument aucun métier dans les mains. Ils n'auront appris rien. Ils auront touché un peu de tout, mais ils ne sauront rien faire absolument. Je pense qu'on les envoie vers un désœuvrement, vous voyez, ces gosses-là. Et ils se sentent incapables de faire quelque chose. Et comme c'est déjà quelque chose qui est à la mode, le désœuvrement, je ne sais pas où on ira avec ces gosses-là. J'habite le Marais, comme c'est pas très loin, alors je viens tous les jours à Notre-Dame donner du pain aux oiseaux, que je tiens à la main, comme vous pouvez le voir. Et force beau temps, ma foi, c'est bien agréable. Vous êtes en vacances, si je ne suis pas indiscret ou... Non, je suis en maladie, congé maladie, et les vacances vont suivre. Ce sera la convalescence, disons. Bien, vous vouliez me dire quelque chose par rapport à ce pont. Comment s'appelle ce oui, pont là, cette passerelle horrible. Cette passerelle, oui. Faites pour faire passer un Kingston, c'est une honte. Alors que les étudiants badigeonnent tous les murs pour la politique, à se demander s'ils font bien des études ou de la politique, il ferait bien mieux de faire un monôme pour protester pour la destruction de cette terrible charpente métallique qui défigure Notre-Dame et tous ses environs. Comment elle s'appelle cette charpente? Oh, elle n'a aucun nom, la passerelle Saint-Louis, j'imagine, on ne sait même pas quel nom elle peut avoir, si on peut lui en donner un. Justement, vous qui êtes de l'ORTF, qui avez la puissance de persuasion, de par l'image et le son, vous devriez faire une protestation unanime dans vos services à ce sujet, je pense. Ça aurait peut-être plus de portée que la mienne. J'ai d'ailleurs déjà écrit à la préfecture de la Seine. On m'a répondu, il y a de ça 2 ans, je crois, que le nécessaire serait fait, mais ça dure toujours. Vous êtes très attaché absolument, au, oui, oui. Au lieu. Et... Ah oui, oui, je suis absolument contre les badigeonnages, vous voyez, j'y reviens. Et scandalisé surtout par certains partis extrémistes de droite ou de gauche, et même certains autres, mais enfin en moindre virulence quand même. Et notamment les étudiants. D'ailleurs, quand je rencontre un étudiant qui me demande, qui me propose des livres, comme ça arrive souvent dans les rues de Paris, et qui me demande si je n'ai rien contre les étudiants, je me charge de lui répondre que si, et vertement d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez contre les étudiants? Eh bien qu'ils se croient un peu sortis de la cuisse de Jupiter. Pas tous, bien entendu, certainement. D'ailleurs, quand je leur dis ça, ils me disent « Oh, ce ne sont pas des étudiants qui badigeonnent les murs ou qui mettent des pancartes aux arbres du boulevard Saint-Michel annonçant leur bal ou ceci, cela, avec des ficelles, tout ça est plus ou moins esthétique. Les étrangers disent assez que Paris est une ville sale sans encore la salir, inutilement. Et quand ils me disent... Ce sont des ouvriers qui badigeonnent pour des tendances politiques. Mais je dis en admettant que ce soit des ouvriers, au moins ils n'ont pas peut-être votre intelligence, ils ne savent pas le mal qu'ils font à Paris. Est-ce que vous devriez le savoir? Voilà ce que j'ai dit. C'est surtout ça que vous avez contre les étudiants? Oui, j'aime beaucoup Paris. Enfin, puis non seulement ça, leur monôme, c'est plus ou moins... J'en ai été victime moi-même une fois, j'ai failli être renversé en voiture... Et j'en ai conservé, ma foi, un très mauvais souvenir. Qu'ils se déguisent en noir, si l'on peut s'appeler se déguiser en noir, mais enfin en indigène, avec des plumes. Ça me fait rire. Je trouve ça assez spirituel, en Port-Rouge, et qu'ils fassent des monomes avec des véhicules spirituels, je le comprends. Mais pourtant, moi qui suis qu'un simple ouvrier, sans spécialité encore, Quelle est votre profession? Ben, ma foi, j'ai fait de la fonderie. J'avais 20 ans, 38, et ma foi, la guerre a tout chambardé ma vie, disons. Vous aviez fait des études, non? Non, au aucune, départ. Aucune, le certificat d'études, et aussitôt après, j'ai gardé les vaches. Dans mon pays, c'était la mode, il fallait être très riche pour ne pas les garder les vaches. De quelle région êtes-vous? Je suis du Berry. Donc vous gardiez les vaches et puis vous êtes venu à la ville après. Je suis venu à la ville, oui. Pour mon malheur, j'aurais bien mieux fait de rester à la campagne. Qu'est-ce qui vous a poussé à la ville ? Oh, le travail, il y avait beaucoup de chômage à l'époque du Front Populaire, puisque j'avais 15-16 ans à cette époque, et il y avait beaucoup de chômage. Alors je suis venu à la ville, je trouvais du travail. Et puis j'étais mobilisé en 38, évidemment, ayant 20 ans. J'étais mobilisé en 39, disons. Et ma foi, la guerre, je n'ai pas été prisonnier pour mon malheur, je dis bien. Ayant voulu rejoindre les armées alliées, j'ai été arrêté par les Allemands, j'ai été envoyé dans un camp de concentration. Quel camp ? Le premier camp qui a été construit par Hitler, dont on ne parle pratiquement jamais. Il y a eu 110 000 morts, alors que l'on voit Buchenwald partout avec 50 000, 56 000, je crois, ou 52 000. Et celui-là, qui était le premier camp construit par Hitler à quelques kilomètres de Berlin pour réduire les rebelles à son régime, et qui avait été construit à proximité de Berlin pour les exécuter aussitôt, on n'en parle pratiquement jamais. Quel est ce camp ? Sachsenhausen, Oranienburg. Et il a été construit en dur, ce ne sont pas des piquets avec quelques barbelés en travers. Vous savez que le mirador en bois, c'était en ciment armé, avec des miradors ressemblant à des sortes de tourelles de forteresse. Vous avez beaucoup souffert là-bas. Ah, énormément, oui. Je suis très malade des nerfs et de partout, voyez-vous. Je n'ai pas pu partir en vacances à cause de ça. Je n'ai aucune rancune. Mais enfin, physiquement, je dois bien dire que parfois, j'en ai un petit peu quand même, quoi. Vous êtes marié, monsieur ? Oui, je l'ai été, monsieur. Je ne le suis plus. Vous avez des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants. J'ai 49 ans, je vais les avoir bientôt et ma foi, je me sens déjà un vieillard, voyez. Vous voyez, l'an dernier, après les vacances, après une bonne période, je faisais 76 kilos. Et à la suite de maladies successives, j'en fais 64 maintenant. Sans indiscrétion, vous continuez de travailler ou vous avez arrêté ? Je suis arrêté. Mais vous êtes arrêté pour congé de maladie, comme vous nous avez dit, oui. Vous allez reprendre après. Ah, je ne sais pas si je pourrais, je ne crois pas, je n'arrive pas à trouver le travail qui me conviendrait. Qu'est-ce que vous pensez qui vous conviendrait ? Oh, le grand calme, je serais obligé de quitter Paris, il faudrait que je sois dans une maison qui serait très tolérante. Je ne demanderai aucun salaire d'ailleurs, je ne me plains pas, je touche une pension suffisante pour pouvoir vivre, mais l'oisiveté quand même me pèse à Paris, à la campagne, si je trouvais un jardin cultivé à bêcher, arroser les pelouses, quelque chose qui ne soit pas cérébral surtout, c'est surtout la tête qui est très malade. Et comme les nerfs agissent sur tous les organes, tout le reste s'ensuit. Intestin, le foie, l'estomac, les poumons, j'attrape des bronchites à chaque instant. Il suffit que je fasse un voyage pour être malade en arrivant. J'entendais d'ailleurs ça à la radio une fois, il paraît que ce n'est pas une maladie, que c'est une réaction, paraît-il. Il n'empêche que je suis très malade et que ça me dure très longtemps. J'étais très, très solide avant, disons même très sportif. J'étais même costaud. Et depuis mon retour, hélas... Sur les sévices que vous avez... Oui, oui, oui. Coup de gourdin sur les reins, bien sûr. Le spectacle de la pendaison. Les bombardements, bien sûr. Revenons, s'il vous plaît, maintenant, monsieur. Vous vous promenez dans Paris. Excusez-moi, j'ai l'impression, là, que vous avoir fait évoquer des souvenirs pénibles. Vous allez vous promener, là, vous allez apporter à manger aux pigeons, me dites-vous. Oui. Vous aimez les bêtes ? Ah oui, beaucoup. Bien sûr. Est-ce que les pigeons... Il y en a beaucoup du côté de Notre-Dame, là. Oui, bien sûr. Les moineaux, les pigeons, enfin, les chiens, j'aime beaucoup. Tous les animaux. Est-ce que vous faites de la marche à pied ? Est-ce que vous marchez ? Oui, énormément, oui. Malheureusement, là, je me fatigue maintenant. Oui. Mademoiselle, Nous faisons une enquête anonyme sur l'été à Paris. Puis-je anonymement vous poser quelques questions sur ce que vous faites dans ce soir, sur votre façon de passer? Vous êtes peut-être en vacances? Non? Vous savez, c'est tout à fait anonyme. Je ne sais pas si c'est une interview pour la télévision ou j'en sais. C'est la radio. C'est la radio. Mais par exemple, une chose qui me choque énormément de la part des clients, quand nous sommes en station, et quand il y en a un collègue, moi j'appellerais ça un frère de travail, parce que qu'il soit noir, qu'il soit nord-africain ou je ne sais pas quoi, je trouve de la part des clients que c'est dégueulasse qu'on me choisisse, moi. N'est-ce pas? Parce que j'ai la même couleur que lui. N'est-ce pas? Et puis que les gars, ils restent dans sa voiture et qu'ils ne font pas la course. Et vous le remarquez, ça? Ah, ben c'est sûr et certain que je le remarque. Et puis, quand un client pareil vient dans ma voiture, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas qu'il se plaigne après que les chauffeurs de taxi sont ceci ou sont cela. Parce que, déjà, moi-même, je suis sur les nerfs, n'est-ce pas? De voir que je porte dans ma voiture, parce que j'estime que c'est dans ma voiture que je fais mon travail, quelqu'un qui fait une différence, surtout quand il s'agit de travail, quand il s'agit simplement de pendant 15 minutes. C'est pas parce que c'est un arabe ou c'est parce que c'est un noir, etc., etc., qu'il faudrait que les gars, lui, parce qu'il, quand il reste en tête, qu'il soit pris lui avant moi. Non, ça, vraiment, ça, ce n'est pas. Moi, j'ai vu des gens qui vont prendre des arabes en tête de station, au milieu de la station, d'eux qui prennent des noirs. Enfin, alors, tout à l'heure, tu disais qu'il était en train de dire une exception. Or, toi, tu dis, tu es en train de citer précisément. C'est vraiment une exception. Mais tout ça, ce sont des exceptions. On sent que le Parisien a une largesse d'esprit étonnante par rapport à toutes les autres villes de France. Ça, je crois que c'est un fait qu'on peut marquer. Tout passe, absolument tout passe. Les coupes de cheveux qui pourrait paraître insolite en province, les tenues un peu osées, hasardeuses, les mini-jupes qui sont très gracieuses d'ailleurs. Oui, je crois que ce qu'on peut admettre chez le Parisien, c'est le fait qu'il ne regarde pas tellement son voisin, les gens passent, ils regardent plus ou moins et ça s'arrête là. Ce qui, par contre-coup, signifie que ce que l'on pense de la province traditionnaliste, observant ce que font les gens. Oui, exactement. C'est quelque chose de vrai. C'est tout à fait vrai. Moi, je suis un provincial et j'observe, je regarderai les gens même. J'aurais même tendance à les détailler, alors que je vois que pour ma part, on ne me détaille pas. Vous aimez Notre-Dame? Oui, assez, oui. J'ai été la visiter une fois. Ça m'a plu, bien sûr. Mais enfin, on ne peut pas tout visiter d'un seul coup, hein. Qu'est-ce qui vous a frappé à propos de cette cathédrale? Mais d'abord, c'est ce qu'on dit sur elle. Il paraît qu'elle est recouverte d'une couche protectrice, je crois, qui l'empêche d'être lavée, je crois, pour pas qu'elle se détériore. Je sais pas, c'est un sacré monument, quoi, en fin de compte. D'abord par la date à laquelle elle a été construite, et puis quand même, c'est quelque chose, quoi. C'est pas rien, hein, Notre-Dame. Nous sommes tellement séparés aujourd'hui par des murs sociaux ou par nos différentes occupations que j'ai des amis sur lesquels je peux compter, mais qui ne savent absolument rien de moi, et moi je sais absolument, mais je ne sais rien d'eux. On ne se voit pas à Paris pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et on finit à se dire, ça va, je mène une vie de con, Puis on se console en faisant un petit geste ou de la tête. Puis après 5 minutes, il faut que je rentre et l'autre, il faut que je rentre. Oui, cela dit, il y a un certain jeu. Alors, oui, c'est très difficile. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication possible. Si on ne vit pas ensemble, et je crois même si on vit ensemble, c'est très compliqué. Je suis là-dessus très sceptique et c'est pour ça que je ne peux pas... je ne vois aucun intérêt de déclarer à vous, par exemple, n'est-ce pas? Et puis ça passe par la radio et il y a alors des auditeurs qui écoutent un gars et qui dit « Je vis de ceci, je gagne tant, je... » Alors là, vous n'y êtes pas tout à fait parce que moi, ça m'est égal en fait de quoi vous vivez et ça m'est égal combien vous gagnez, ce que vous gagnez, ce que vous faites. Par contre, voilà. Ce qui m'est pas égal. Mes pensées. Oui, mais c'est. Alors, vous savez, la pensée de quelqu'un que vous rattrapez comme ça dans la rue, quel intérêt ça peut avoir pour des gens qui écoutent plus tard? Ben, si ce n'est pas un bon homme, n'est-ce pas, qui a vraiment quelque chose à dire, moi, je ne crois pas que j'ai quelque chose à dire, au moins par la parole. Peut-être par d'autres moyens, j'en sais rien, mais je veux... Vous êtes peintre? Non, voilà déjà un problème de langage. Je ne suis pas peintre parce que je ne paie pas mes impôts en tant que peintre. Alors si je ne fais pas la peinture pendant 10 ans, alors qu'est-ce que je suis en ce moment-là? Vous avez rattrapé, cher monsieur, un irrécupérable, voilà. Bon, alors... Quel âge avez-vous? Pourquoi vous me posez cette question? Quelle méfiance. Quelle importance, l'âge d'un homme? Vous voulez pas répondre? Si, peut-être, mais je voudrais d'abord savoir pourquoi vous voulez savoir mon âge. Toujours pour vous situer. Évidemment, l'âge situe un homme... D'une certaine façon. D'une certaine façon, n'est-ce mais pas? Mais nous le savons, c'est d'une convention. À 15 ans, on est un autre qu'à 60 ans. Mais enfin, vous voyez à peu près quel âge que je pourrais avoir, n'est-ce pas? Je n'ai ni 15 ans, ni 60 ans. J'aimerais bien vous l'entendre dire. Alors, qu'est-ce que ça peut vous faire si je vous dis 45 ou 44 ou 42 ou 35? Ben, écoutez, ça peut être quand même important, enfin, je crois... Je crois que ça peut être important, ça situe une génération, ça situe des problèmes. Ah oui. Alors, j'ai 43. Vous vous sentez un peu persécuté, hein? Ah, ça, oui, et drôlement, hein. Voilà peut-être un sujet de conversation qu'on... Hein, où est votre cendrier, là-dedans? Là, voilà. Ah, merci. Oui, je me sens totalement persécuté, ça c'est vrai. Je n'ai pas les complexes, là, peut-être un tout petit peu, hein. Nous rationalisons tous sur ce que nous sommes. Mais, vous savez, depuis longtemps, j'ai commencé à m'habituer à mes complexes. Et d'ailleurs, ce n'est pas un complexe parce qu'il y a de quoi. Il y a de quoi. Vous avez été persécuté? Oui. Je le suis toujours. Je le suis toujours. Puis-je vous demander... Je crois, l'individu est persécuté aujourd'hui. En tant qu'individu, chacun est persécuté. Ou était, dans sa vie, pendant quelque temps, persécuté. La plupart des gens ne le savent pas, comme la plupart des gens ne savent pas qu'ils ne sont pas libres. C'est pour ça qu'ils sont heureux. Mais, et puis ils ne savent pas qu'ils sont persécutés. Enfin, remarquez, peut-être 99% de l'humanité sont assez bêtes pour être contents de cet état de choses. Vous m'avez dit que vous êtes allemand, c'est ça. Je suppose que les événements de la Seconde Guerre mondiale vous ont frappé d'une façon ou d'une autre, vous les avez même vécu. Même avant. Puis-je vous demander de quelle façon? Oui, je crois que j'ai jamais pu me débarrasser de suite, résultat, ou suite, ou... de ce que j'ai vécu dans ma jeunesse. Et ceci, alors, c'est des événements sur le plan personnel et sur le plan politique. malgré qu'à l'époque j'étais très jeune, mais enfin c'était quand même des choses politiques qui étaient pour nous très importantes. Et puis-je vous demander de quelle façon vous viviez ces choses politiques? Quelles étaient vos idées? Ah ben mes idées, j'en avais pas, n'est-ce pas? Voyez-vous, lorsque... vous voulez vraiment qu'on parle maintenant de l'histoire politique et de tout ça? Non, je ne sais pas. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Non, mais vous savez, je suis en train de vous découvrir. Moi, il me semble que maintenant, les choses vous ont marqué. Il m'a eu, n'est-ce pas? Maintenant, il m'a presque, n'est-ce pas? Vous m'avez presque. Ben, ça, c'est des trucs qu'il va couper tout à l'heure. Bon. Mais voyez-vous, en 1933, lorsque Hitler a pris le pouvoir, j'avais 9 ans. Exactement. Donc, je n'ai pas pu avoir des idées, n'est-ce pas, ni des idées littéraires ou politiques ou sur l'éducation de la jeunesse ou des enfants, ou etc., etc. Hein? Mais des idées, j'en ai peut-être cherché pendant la guerre, très peu, parce que quand j'étais soldat, je dois dire qu'on avait vraiment d'autres problèmes en Russie, dans l'infanterie, que de chercher des idées. N'est-ce pas? Je crois que le gars qui est foutu dedans ne peut pas, qui n'a pendant des années, pas un bouquin ou un crayon ou un bout de papier est un trésor, ne peut pas chercher des idées. Et puis, lorsque j'ai commencé à chercher des idées après la guerre, c'était vraiment la famine pour quelqu'un qui vivait seul dans une grande ville. Et puis, ma seule idée était toujours l'émigration. L'émigration vers quoi? Où? Je crois que c'était Heinrich Mann qui a dit un jour, on n'émigre pas dans les pays de ses rêves. Or, à l'époque, je ne savais pas ça. Et mon rêve était la France. D'ailleurs, j'ai fait un peu l'occupation, c'est-à-dire un peu, très peu de temps, en 1944, et j'ai eu une idée assez romantique, petit bourgeois de la vie de Van Gogh. Lorsque j'ai vu le Midi, j'étais enchanté. Malheureusement, un mois après une vie assez tranquille, les Américains ont débarqué, ou heureusement, n'est-ce pas? J'ai dit malheureusement parce que j'étais en contact avec des Français. Si jamais, n'est-ce pas? Si jamais j'avais rencontré quelqu'un qui m'aurait donné peut-être des idées, parce que vous parlez des idées, j'aurais foutu le camp déjà à l'époque. C'est pour ça que j'ai dit malheureusement, n'est-ce pas? Il faut pas croire que vous n'avez pas vous justifier ici. Non, mais parce que je m'aperçois et je me suis aperçu que j'ai dit une chose horrible, n'est-ce pas? Si on le justement, voyez-vous le problème, n'est-ce pas? On se connaît pas, alors quelqu'un qui me connaît, n'est-ce pas? Un été à Paris. C'était une enquête de Harold Portnoy. Aujourd'hui, deuxième émission, Notre-Dame du bavardage. Avec la participation d'un gardien de la paix, de vieilles dames retraitées, de deux étudiants, d'un couple d'instituteurs, de chauffeurs de taxi, d'un ingénieur électronicien, d'un ouvrier en congé de maladie et d'un Allemand. Prise de son extérieur, Jean-René Hénaff. Assistant Jacques Devin. Réalisation Bernard Saxel. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 octobre 1967. Demain, à la même heure, nous retrouverons Harold Portnoy à la rencontre de Parisiens et de touristes visitant Paris au cours de l'été 1967. Nous descendrons la Seine jusqu'au Louvre pour découvrir Mona Lisa de tous les cœurs. Les touristes, les Parisiens aiment la Seine, aime le bois de Vincennes, la rime, par définition, est la même dans toutes les langues, ainsi que le prouvait la version que Barbara offrait au public allemand en 1967, un 33 tours qui, bien sûr, comportait Göttingen, mais aussi Paris, 15 août, Paris im August. Paris im August. Paris im August. Wie verlassen wir die Stadt nun sein? Nun gehörte sie uns ganz allein. Aber du fährst auch in den Süden. Ich seh schon heim. Es muss so sein. Niemals würde ich dich daran hindern. Schließlich fährst du ja mit Frau und Kindern, so wie jedes Jahr in den Süden. Ich nehme an, so dann und wann, mon amour, vielleicht an Regentagen oder wenn die Kinder zu viel fragen, denkst du mal an mich dort im Süden. Und alle die, wie du, Chérie, eine Freundin haben all die vielen, undiskret auf den Kalender schielen, sehnen sich zurück aus dem Süden. Halt aus, Chérie. Halt aus, Chérie. In Paris wird alles sein wie immer. Für ein Jahr bist du dann mein wie immer. Und du träumst mit mir dann vom Süden. Doch bis dahin, doch bis dahin. Spiel am Strand, im Sand mit deinen Kleinen. Du hast deinen Urlaub, ich den meinen. Heut fahr ich alleine in den Norden. Une grande question agitait Paris cette année-là. Comment vit la province aujourd'hui ? Cela valait une série dont voici le premier volet, diffusé pour la première fois sur France Culture le 11 décembre 1967. Colette Garrigue, Harold Portnoy et Robert Valette vous proposent Recherche de notre temps. Recherche de notre temps, la province aujourd'hui. Une suite d'émissions composée par Colette Garrigue. Ce soir, première émission, Ainsi Paris était à la campagne. Avec divers témoignages recueillis avec le concours de Jeanne Bracco et Marc Fumaroli. La province a sans doute évolué, inévitablement. Pourtant, le phénomène de la province, tel que Balzac, Flaubert et Jouhandeau lui-même en ont laissé des images, dans ce qu'elle a de pittoresque et de monstrueux, nous le rencontrerons encore au cours de cette recherche. Comme goût, j'ai des goûts bourgeois, ça je l'avoue franchement, j'ai des goûts bourgeois. J'aime certaines aisances, certains conforts. Je ne suis pas très très moderne. Je serai moderne dans l'habillement. J'essaierai d'être moderne dans l'habillement, mais enfin, je ne suis pas... Non, je ne suis pas très très moderne. Il y a des choses qui me dépassent déjà. Certaines, les danses modernes, tout ça, déjà, pendant que je suis encore jeune, eh ben, déjà, je commence à critiquer. Je me sens déjà un petit peu... C'est peut-être déjà l'âge, je ne sais pas. Alors, ce confort dont vous parlez, vous le trouvez ici, en province. Vous ouais. Aimez cette vie. Oui, j'aime cette vie parce que, oui, c'est ça, ce confort, cet espace. Parce qu'en ville, en fait, on vit dans trois pièces, dans quatre pièces, les uns sur les autres, on entend ses voisins. Tandis qu'ici, je ne sais pas, moi, c'est formidable, une grande maison, un jardin. on part des animaux, on peut, je ne sais pas, puis on a du personnel, on est beaucoup plus servi. On est davantage quelqu'un, en fait, aussi, je trouve. Oui. On est davantage... je suis sûre que ma profession en ville passe absolument inaperçue, que ici à la campagne, eh ben, je suis déjà une targetée, je suis déjà quelqu'un. Vous êtes nantiste. Et ça ne me déplaît pas, oui. Et ça ne me déplaît pas, du fait de cette notoriété. Et vous ne l'auriez pas à Paris, vous seriez noyée dans la... Paris, à Paris, je serais absolument inconnue, tandis qu'ici, quand même, j'ai une certaine... on me connaît, on me fait une petite faveur, les commerçants, enfin, on essaie de bien me servir, on essaie d'être aimable avec moi. Le personnel, j'en trouve facilement parce que c'est moi, en fait. Je pense que c'est ça, parce que lorsque je demande quelqu'un, ben, j'ai plusieurs demandes. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient travailler pour moi, et ben, je crois que c'est... Enfin, moi, c'est peut-être mon caractère qui est peut-être un peu spécial, mais enfin, j'aime bien ce côté bourgeois, je suis assez bourgeoise. Je ne suis pourtant pas d'un milieu très bourgeois, mais je crois que j'ai des idées bourgeoises. Alors, en somme, pour vous, la vie en province, c'est une forme de vie bourgeoise, voilà, confortable, installée. Voilà, et qu'on ne trouve pas, à mon avis, dans une grande ville. Parce que là, par exemple, si je veux aller faire une promenade dans les bois ou aller à la chasse, à la pêche, mais je peux tant que je veux, quoi. D'ailleurs, je vais me mettre à pêcher, pas à chasser, parce que ça ne me dirait, mais enfin, pêcher, je sais que je vais y mettre l'année prochaine, enfin... Et je peux faire ça quand je veux, le soir, ou quand je veux, quoi. La rivière est toute proche, je n'ai pas de... Enfin, c'est une vie tout à fait spéciale, hein, c'est... Je viens de traverser le petit bourg dans lequel vous habitez. Il est calme, on ne voit personne dans la rue, les magasins sont vides. Ouais. Est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce qu'une femme fait toute la journée ici? Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que moi, je m'occupe beaucoup, j'ai des tas de... J'aime beaucoup lire, j'aime coudre, j'aime tricoter, j'aime la décoration, donc je cours les antiquaires. Je n'ai jamais à la maison, hein. Mon mari me voit des fois, il me dit, mais où est-ce que tu vas cet après-midi? Je fais tous les antiquaires du coin, je fais des tas de choses. Je décore même ma maison moi-même, j'achète des vieux meubles, j'essaie de les restaurer. J'achète des vieux tableaux, je les restaure, je cours tous les antiquaires pour les vieux tableaux, puis je les restaure moi-même. Puis je tricote, j'aime tricoter, j'aime broder, je brode des draps pour ma fille. Puis je fais du jardinage, je fais tout mon jardinage, j'ai un petit jardin, mais enfin je m'occupe de mon jardinage. Bon, puis le temps passe très vite, puis on se reçoit pas mal entre amis, alors on a des repas, alors évidemment il faut quand même y penser un petit peu. Puis je vais à Beauvais de temps en temps, mais enfin je vais comme ça. Alors, ce que j'aime bien, c'est par exemple une fois par semaine aller à Paris. Ah, ça, absolument, c'est très agréable. Parce que alors, j'apprécie Paris vraiment. Parce que je suis très détendue. Je ne vais pas dans les grands magasins. Je vais dans les quartiers assez bien. C'est très agréable. Je fais les magasins. Et puis, alors, mais le soir, je suis ravie de rentrer. Là, vraiment, le soir, alors quand je rentre, c'est vraiment un plaisir. Dans la voiture, je commence à avoir la migraine. Je me dis, mon Dieu. Et puis après, j'arrive. C'est très agréable. Est-ce que les gens ne s'occupent pas de vous? Oh, certainement, si, ils doivent s'occuper certainement beaucoup de moi, parce que je me rends compte parfois, ou pour l'habillement, ou pour la coiffure, je me rends compte qu'après, il y a des jeunes filles qui se peignent un peu comme moi, ou qui s'habillent comme moi. Je sais, par recoupement, par l'assistante, par exemple, je sais qu'il y en a qui aussi, certainement, ça c'est évident, inévitable d'ailleurs. C'est une ville très, très secrète, Bourges. Vous voyez, on habite un quartier un peu extérieur, quand on est arrivé, les gens étaient très distants, enfin... Mais ça n'est peut-être pas un phénomène purement provincial, parce que j'ai trouvé des gens en Auvergne, moi-même je suis de Bretagne, qui ne sont pas tellement comme ça, vous voyez. Alors c'est un peu particulier à Bourges. Mais le fait qu'il raconte des histoires sur votre compte, etc., oui, je pense qu'on le rencontre partout. Ici, j'ai eu de mauvais moments, enfin, parce que je sais que c'est une ville où il y a possibilité de calomnie, etc., où on a peur d'une certaine manière. C'est pas on a peur. Je pense que je n'appellerai pas ça même de la lâcheté, mais on a peur. On a été tellement prudent pendant longtemps qu'on ne dit pas ce qu'on pense, que peut-être, enfin, on ne croit pas que celui qui dit une vérité le dit parce qu'il aime la vérité. Je sais que c'est très pénible. Enfin, j'en ai souffert. Maintenant, j'ai dépassé ça. Mais j'avoue que quand je vais à Paris, 2 ou 3 jours, ben, j'ai un sentiment de libération quand même. Pour moi, Paris, c'est l'univers concentrationnaire. C'est l'exemple de l'univers concentrationnaire dans toute son horreur. Et les quelques fois où j'y vais, ben, je ne peux plus dormir. J'ai mes parents qui habitent au coin de la rue de Liège et de la rue d'Amsterdam. Toute la journée, ça circule. La nuit, entre Place Clichy et Gare Saint-Lazare, c'est encore pire. On ne peut pas respirer. Quand je débarque à la gare de Lyon, vous me croirez si vous voulez, mais j'ai un très bon odorat. Et j'ai mes papilles du nez là, qui immédiatement enregistrent des odeurs chimiques. Et alors, il y a un phénomène très curieux, c'est que pendant les 2 ou 3 premiers jours, cet oxyde de carbone ou ces gaz délétères agissent sur moi comme on pourrait dire comme un excitant, pendant 4 ou 5 jours, je ne suis pas fatigué, je suis dans une espèce d'état second, et au bout de 4 ou 5 jours, alors là, je ne peux plus, je suis fatigué, je ne peux plus suivre, je ne peux plus sortir, je ne peux plus rien faire. À chaque fois que vous avez une démarche à faire dans notre petite ville de province, vous vous absentez une heure du bureau, et puis vous allez faire votre démarche, aussi longue que soit la queue, quoi. À Paris, c'est pas ça, une démarche, c'est une demi-journée, pratiquement. Si vous habitez à l'ouest de Paris, que vous ayez une course à faire au centre, quoi, eh bien, il vous faut compter la demi-journée. Le métro, les attentes, et le retour, c'est une demi-journée à chaque fois. Paris, pour moi, c'est la perte de temps idéale, quoi. C'est l'agitation dans tout ce qu'elle a de plus insupportable. À Paris, vous vous apercevez que sur 24 heures par jour, il vous reste peut-être une heure ou une heure et demie de libre, de temps dont vous pouvez disposer à votre guise, pour votre culture, pour que ce soit une culture intellectuelle ou la culture des carottes, pas d'importance. En province, nous disposons de 5 ou 4, disons 4 à 5 heures par jour, pour être honnête. Et on trouve la différence, simplement, les 3 heures de différence, eh bien, ça provient des transports, quoi. Alors là, je trouve justement un point où on peut comparer la province et Paris, c'est que lorsque vous vous déplacez en province sur nos petites routes des Cévennes pour aller d'une usine à une autre ou pour aller chez un client, vous pouvez réfléchir, vous pouvez vous abstraire du monde extérieur et penser à ce que vous voulez, prier si vous êtes croyant ou penser aux affaires que vous allez traiter, quoi. À Paris, c'est absolument impossible. Votre pensée est prise par des préoccupations immédiates. De vous placer correctement dans l'univers concentrationnaire. Encore une fois, vous voyez, je crois que c'est ça la vie de Paris, ce qu'elle a de terrible, c'est que l'homme n'est plus libre. Quand j'ai fini mes études, j'étais très content de quitter Paris, de quitter les transports et les restaurants universitaires pour aller m'installer en province. J'ai vraiment eu l'impression alors d'une chute de tonus. Je me détendais, on est moins pressé d'abord. On vit beaucoup plus, enfin d'une façon beaucoup plus rationnelle de toute façon. On se lève un peu plus tard, on prend un peu plus de temps pour manger, on a un peu plus de temps pour réfléchir à son travail. Enfin, on vit quoi. Hein. Et il y a beaucoup plus de calme aussi, ça c'est très important, de vivre dans le calme. Le soir, on vit dans le calme. Et le matin, bien, il n'y a pas les bruits des feux rouges qui vous réveillent ou le bruit des camions et des autos. Et ça va très bien pendant les premiers mois. Et puis au bout du 5e, 6e mois, on commence à éprouver un certain plaisir à retourner à Paris. À revoir les restaurants, à entendre du bruit à nouveau. Et puis quand on quitte Paris le soir pour rentrer dans son petit coin, eh bien, on n'est pas tellement content. On aurait voulu terminer la soirée à Paris, par exemple, aller au spectacle, au moins une fois par semaine. Alors voilà, j'en suis là, moi, vous voyez. On travaille toute la semaine. Le mercredi après-midi, quand on peut s'échapper, on va à Paris faire des achats. De temps en temps, on va au spectacle. Très rarement, mais enfin, on y va quand même. Et en somme, je suis content, si vous voulez, de m'être établi dans un petit coin assez, comme disait Rousseau, les petits coins retirés de la nature. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression de m'être un peu trop éloigné de la ville. Alors les avantages ici, évidemment, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vit davantage. Bon, on sort à la campagne, on va à la chasse, on va à la pêche, on connaît beaucoup plus de monde. Et on connaît beaucoup plus de monde, mais pas comme dans une grande ville, vous voyez. On a des rapports plus serrés avec les gens. Par exemple, j'ai des amis que je vois beaucoup plus souvent que si on habitait à Paris. Bon, ça c'est un avantage. Mais les inconvénients, c'est que on vit quand même un peu sur soi-même, quoi. On vit replié. Et on a beau s'échapper de temps en temps, on est tenu de vivre replié par le fait même qu'on a le travail ici, si vous voulez. On est un peu rivé. Alors en fait, je suis pas tellement content, si vous voulez. Je suis content dans un sens parce que mes enfants sont heureux. Vous voyez, ils ont un grand jardin, ils sont à la campagne, ils sortent, ils respirent. Ils respirent certainement mieux qu'à Paris. Et pour eux, alors là, je suis tout à fait heureux, je suis très content. Mais en ce qui nous concerne un peu, nous, quoi, ma femme et moi, on a l'impression de s'être enterré un peu trop vite. Autrefois, il y avait vraiment un grand hiatus entre les parisiennes et les provinciales. Qu'est-ce que vous en pensez à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, le hiatus n'existe plus, je ne pense pas. La télévision nous a servi à voir comment on s'habille à Paris. Mais je crois qu'en province, les jeunes outrepassent quelquefois la mode de Paris pour faire bien, pour être dans le vent. Quant aux personnes normales, d'un certain âge, d'un âge moyen, je crois qu'elles sont plus sobres qu'à Paris, au contraire. Elles ont peut-être aussi moins de moyens et moins de tentations. Et est-ce que vous avez le sentiment, quand même, sur le plan des boutiques, sur le plan de tous les petits artifices que la mode propose, que la province a évolué? Oui, énormément. Là, je crois que nous ne devons pas tellement envier Paris. Nous avons de très jolies choses en province et je pense que nous n'avons rien à envier à Paris. Finalement, il manque le faste de Paris, les présentations de mannequins, tout ça. Oui, c'est possible, mais enfin, nous avons tout ce qu'il faut en province. Je ne crois pas que ça nous manque beaucoup. Est-ce que vous cherchez, dans ce que vous portez, par exemple, à vous inspirer de ce que vous pensez être un style parisien? Moi, vous savez, moi, je m'habille moi-même. Alors, quand je vois une jolie robe, soit dans les vitrines, soit au contraire à la télévision, aux présentations de mannequins ou de modèles, je regarde bien. Et quand j'arrive, ben, je m'achète du tissu, je la fais. Et je crois que ça va aussi bien que fait par n'importe qui, puisque c'est bien adapté à moi-même, quoi. J'adapte la mode à ma personnalité. Je crois qu'en province, nous avons des complexes. Nous avons des complexes par rapport à Paris. Nous avons l'impression de ne pas être tout à fait, comme on dit maintenant, comme disent les jeunes, dans le vent. Il y a une chose qui nous rend craintifs, c'est l'accent. Il y en a qui sont complètement paralysés en disant « on va se moquer de moi, j'ai l'accent méridional ». Et ça, c'est... Énormément de gens sont complexés par leur accent. Et vous ne croyez pas qu'il y a un accent à Paris ? Si, bien sûr. Bien sûr, on n'a pas à Paris l'accent de l'Île-de-France. Mais il est moins ridicule que l'accent de province. Enfin, du moins, nous pensons que nous sommes ridicules. Nous ne le sommes peut-être pas au fond, mais nous le croyons et ça fait mal de le croire. Je pense qu'être provincial, c'est aussi bien qu'être parisien. Il n'y a pas une différence fondamentale entre les gens de la province et les gens de Paris. Je pense qu'il y a une différence d'ambiance, tout particulièrement entre Paris et la province. Et c'est ce qui a fait le côté désagréable de la vie en province, à mon avis. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que, évidemment, il y a certainement une différence d'ambiance. Hein. Mais je crois qu'il y a, dans Paris et en province, il y a des richesses qui sont vécues, enfin, je ne sais pas si oui, exactement ce que je veux dire, que chacun a sa valeur propre. Et qu'effectivement, quelqu'un qui arrive de Paris ne peut pas exactement retrouver ce qu'il a trouvé là-bas, parce que c'est différent. Et que si on compare, évidemment, on sera toujours tenté de voir infériorité, supériorité. Alors que si on ne compare pas, si on prend chaque élément dans son ensemble, et si on prend la province telle qu'elle est, sans vouloir la juger, surtout pas par rapport à Paris, eh bien, on y trouvera des valeurs, comme on trouvera à Paris, aussi bien des valeurs positives que négatives. Alors là, je sais pas. Peut-être parce que je suis provinciale, si on veut, puisque j'habite Bourges. Mais enfin, quand même, moi, quand je vais à Paris, et j'y vais quand même assez souvent, justement, je trouve que, quelquefois, on se sent quand même un peu solitaire à Paris. C'est peut-être à la fois un bien et un mal. On ne connaît pas grand monde et on ne se connaît pas. Enfin, quand on est dans le métro, il y a une certaine solitude assez désagréable. Enfin, une indifférence des gens. Alors qu'en province, c'est à la fois gênant aussi. On connaît pratiquement tout le monde. Moi, je ne me trouve pas tellement solitaire à Bourges. Je pense que peut-être à Paris, dans une grande ville, justement, il y a tellement de monde que pour connaître vraiment les gens, c'est beaucoup plus difficile qu'en province. Alors, sur un plan proprement féminin, par exemple, si vous envisagez l'avenir, votre métier ou votre profession, est-ce que ça vous semble plus facile en province qu'à Paris? Là, c'est certainement un problème, parce que, justement, quand on cite la phrase « Paris est le désert français », c'est quand même une réalité économique qui s'impose à nous quand on vit en province, parce qu'il est certain que, par exemple, pour moi, j'ai deux de mes sœurs qui sont parties à Paris. Elles ont fait leurs études et elles travaillent maintenant à Paris. Parce que pourquoi ? Parce qu'à Bourges, il n'y a pas de possibilité de faire le métier qu'elles exercent. J'aimerais être professeur d'histoire-géographie et je ne sais pas si je n'irai pas dans notre ville. D'abord parce que c'est une expérience et puis parce qu'à Bourges, il n'y a pas tellement de débouchés vraiment au point de vue économique pour un métier. C'est pas assez développé. Je fais des études d'électronique, je me destine à la situation d'ingénieur. Oui. Et lorsque vous serez ingénieur, où souhaitez-vous travailler ? Eh bien, je souhaiterais travailler naturellement dans le Midi. Oui. Mais vu le manque d'industrie dans ce domaine, je pense trouver alors une place dans la région parisienne ou dans le Nord. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Paris ? Paris, naturellement, c'est la capitale au point de vue culture, distraction, étendue de la population aussi. Mais je vous dirais franchement, je n'envie pas du tout la vie parisienne. Est-ce que vous y êtes déjà allé ? Non, je n'y suis pas allé, malheureusement. J'aimerais bien connaître cette ville, mais entendre dire sur les journaux, par la voix de la télévision, ce qu'est la vie parisienne, je n'envie pas du tout la vie parisienne. Alors, comment imaginez-vous la vie parisienne ? Je l'imagine très trépidante. Le rythme de vie accéléré, les gens toujours en train de courir. Je pense qu'une ville comme Montpellier ou Nîmes vit à un rythme moins accéléré et moins, disons, surmené que Paris. Mais vous parlez de cette vie, en somme, en termes de surmenage, comme si vous étiez déjà fatigué, vous êtes jeune. Est-ce que ça vous fait vraiment tellement peur, cette vie agitée ? À vrai dire, le bruit, on est tous sensibles au bruit. Je pense que, même étant jeune, on est sensible à ce phénomène de la ville, disons. Et surtout ce phénomène qui est particulier à la ville de Paris. Je pense que à Marseille, en ce moment où je fais mes études, qui est une ville aussi très bruyante, mais en plus de Paris, il y a le soleil, la détente, la bonne humeur. Je pense à Paris, il n'y a pas cette ambiance-là. On vous l'a dit, parce qu'au fond, vous n'y êtes jamais allé. C'est ça, oui, on me l'a dit. Mais est-ce que vous avez quand même envie d'y aller ? D'aller voir. Oui, certainement. Je pense d'ailleurs un jour je serai bien obligé d'y aller, oui. Comme toute personne. Vous auriez aimé faire vos études à Paris ? Oui, certainement. J'aurais aimé faire mes études à Paris parce que, point de vue enseignement, on y est favorisé. Toutes les grandes écoles se trouvent là-bas, certainement. Alors, Paris, qu'est-ce que vous en attendez, dans le fond, du point de vue de votre situation ? Vous souhaitez travailler là-bas ? Je vous ai dit que je souhaitais travailler là-bas dans la mesure où je ne trouvais pas de situation dans le Midi. Mais à y rester toute ma vie, je ne sais pas si ce sera possible. Parce que je suis un méridional 100%. J'aime tout ce qui est méridional, le soleil, l'ambiance, la mer, la montagne. Je pense que le Parisien n'a pas ces possibilités-là. Et vous pensez que vous trouverez plus facilement du travail à Paris ? La catégorie de jeunes, comme moi, par exemple, qui ne trouvant pas de place d'ingénieur dans le Midi, n'ont plus que la ressource d'aller la chercher à Paris. Vu que là-bas, les industries électroniques foisonnent, c'est bien le mot, je pense quand même trouver une place plus facilement que dans le Midi. C'était Recherche de notre temps, comment vit la province aujourd'hui, si Paris était à la campagne. Une émission de Colette Garrigue, réalisée par Bernard Saxel, première diffusion sur France Culture le 11 décembre 1967. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Demain à la même heure, nouvelle déambulation dans le Paris de l'été 67 en compagnie de Harold Portnoy, puis visite à une bibliothèque de province, celle de Rodez, aux côtés de Luc de Caunes. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission. Let's spend the night.